Ah ouais, let's go pour une 15e saison! Fuck you! You're racist as shit! I don't need your point of view, I've had enough of it! The whack is ridiculous, you're Mr. Tikon! You're a fucking problem and you're narrow-minded words! Season number 15. Let's go! Bon ben bonjour et bienvenue tout le monde pour cette 671e émission de Skypunk en ce mercredi 12 juillet. Je suis à la campagne et il fait beau et c'est frais. Ça c'est le fun. C'était Gerbia, en tout cas, avec la pièce Electora. Maintenant on s'en va en folk punk avec tout d'abord la formation allemande For Promile et la pièce Frischer Win, Dropkick Murphys avec First Class Loser, ainsi que de Greenland Wallfisher et les chansons Mary B ainsi que Father McLean is a headbanger. Tout ça à Skypunka sur les ondes du Punkland. Yeah! Seit Jahren alleine im Hafen, die Wogen trafen dich hart. Ich denk an dich und ich kann nicht mehr schlafen. Träum mich zurück mit dir auf große Fahrt. Das kann nicht vorbei sein, die Sehnsucht so groß. Wir lichten den Anker, leinen los. Den Kapitän haben wir verloren. Ungeheuer zogen ihn von Bord. Doch seinem Schiff haben wir Treue geschworen. Und ein Seemann hält Wort. Wir halten den Kurs, Ok, alors c'était Greenland Wallfisher avec la chanson Father McLean is a Headbanger. Et tout juste avant, on avait une autre pièce aussi de Greenland Wallfisher, c'est-à-dire Mary B. Et avouez qu'ils s'enchaînaient parfaitement l'une dans l'autre. Et on avait commencé tout d'abord avec Far Promile et la pièce Fresh Wind, et ensuite on a un Dropkick Murphys avec First Class Loser. Maintenant, on enchaîne sans plus tarder avec Brigada Flores Magón et la pièce Ils veulent nous tuer, extrait du vinyle Tout pour tous. Ensuite, Esclave Salarié avec Machinerie Lourde. Et puis, après ça, eh bien, Hors Contrôle avec Sur les routes, version vinyle. Sur ce, musique. Avant de construire, il faudra détruire. Tant pis pour la morale, inutile de t'enfuir. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Si pénible que je suis que te diriger, je ne peux que te voir marcher à mes côtés. Le pouvoir ne vaut que s'il est partagé. Le pouvoir ne vaut que s'il est contrôlé. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Y'a pas d'alternative, toi t'agis, soit tu suis. Soit t'as la rage ou soit tu plies. L'ignorance empire est mue, le savoir est une arme. Allons sonner l'alarme, allons sonner l'alarme. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Problème ou de la solution. On fait pas. Alors, c'était Hors Contrôle avec Sur les routes. Et au début du bloc, on avait eu Brigada Flores Magón avec Ils veulent nous tuer, ainsi que Les esclaves salariés et la pièce Machinerie lourde. Maintenant, on enchaîne sans plus tarder avec un bloc de oi, de ska et de reggae, qui sera composé des formations suivantes, c'est-à-dire Gimfist avec My Life, Rude Pride avec Living a Lie, 8.6 Crew avec Ballroom Bash, et puis Maldon et les trois pièces suivantes qui s'enchaînent une dans l'autre, qui sont extraits bien sûr de leur vinyle, qui est différent au niveau du playlist là, de cet même album en version MP3 ou CD par exemple. En tout cas, bref, les pièces que vous allez entendre seront The Truth, Un Rôle, ainsi que Même Pas Mort. Sur ce, let's go! Not as it seems, broken homes and broken dreams, a reality you can't escape. It's the same for everyone, you tell your boots and you carry on, stand by the choices that you make. The joys and tribulations, it's a fight that's going right to the bitter end. This is my life, this is my life, and if I have the chance I'd do it all again. You tend to spoon with the rock, and hope that you've done enough. You're trying to teach the kids what's right. every day I keep on searching for what I believe is not easy to trust. There is no match, it's what the effort is true. The crowd is not dead, you fell apart of nothing. Sometimes for a cry, now you must fight for yourself. You're not allowed to talk about what you get. Sing it loud, don't give up and try. Alive. Sing it loud, don't give up. tristesse, l'espérance dans la maladresse aseptisée. T'as perdu ton authenticité. T'étais le reflet de la rébellion. T'étais le son des bas-fonds. T'avais des choses, ouais, des choses à dire. La société dans la ligne de mire. The truth, the vivre sans rien devenir. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont tué. Les yeux baissés, t'as oublié qui tu étais, d'où tu venais. Et sur les murs de ma cité, je voudrais t'entendre encore résonner. Casser les clichés, te libérer. Être encore ma réalité, mon identité. Respirer, en main, à jouer, t'étais. papier rempli de désespoir, guidé par bonne ou mauvaise histoire, de rêves brisés ou de soirées assemblées. Tu sais que toi et moi, on n'a jamais eu trop le choix. À fleur de peau, le couteau entre les dents, les poings serrés, la haine dans le cœur, une enfance à la dérive sur l'autre rive. Arrivé en colère à l'aube de son adolescence, incontrôlable, inconsolable, indomptable, envie de tout détruire et surtout de rien construire. Le manque d'amour t'a mis à l'écart, à gare. Tu seras en marche, tu seras la peur sur leur visage. Sans connaître le bien, tu exulteras dans le mal. Merci au père absent, merci Satan. Et puis fuck la vie, fuck le paradis. Tout ça c'est des pipeaux, c'est des conneries. Ok, alors c'était Maldon avec les trois chansons suivantes s'enchaînant une dans l'autre, c'est-à-dire The Truth, Un Rôle ainsi que Même Pas Mort. Et au début du bloc, on a eu Gimfist avec My Life, Rude Pride avec Living a Lie, ainsi que 8.6 Crew et la chanson Ballroom Bash. Maintenant, on enchaîne sans plus tarder avec trois groupes qui seront en spectacle le 22 juillet. Ici qu'on pourrait dire aussi le 23 à Montréal, c'est-à-dire Up City Stompers avec Julie, Little Julie Svastika, excusez-moi, King Cans avec Fighting Drunk, ainsi que The Prowlers et la pièce Prowlers Crew. Donc pour revenir au spectacle, The Prowlers, eux, ils sont avec Cockney Reject le 22 au Foufoun électrique. Ça va vraiment être bon. Et pour ce qui est de King Cans et puis Up City Stompers, eux, ils seront à l'after show de Cockney Reject au Catacombe. C'est le 22, mais on va être rendu le 23 finalement, vu que ça va être tôt le matin, c'est-à-dire aux alentours de minuit. Mais bon, dans le fond, c'est dans la soirée du 22 quand même. En tout cas, ne manquez pas ça, ça va vraiment être bon. Et là, on y va sans plus tarder avec cette super chanson antiraciste de Up City Stompers, c'est-à-dire Little Julie Svastika. Julie, Julie, let me be your man. It will be under the sheets like the Ku Klux Klan. Be my little filly and I'll be your stallion. But tell all your friends I'm just a dark-skinned Italian. Fits, and let me be your little Hershey kiss. that's brown. Thank you. alors c'était The Prodders avec Prodders Crew, et au début du bloc on avait eu Up City Stompers avec Little Julie's Vastica ainsi que King Cans et la pièce Fighting Drunk. Maintenant on enchaîne avec trois groupes qui seront présents au Stomp All Star, c'est-à-dire Planet Smashers, The One Night Band ainsi que The Kingpins. Et oui, ils seront en spectacle accompagnés de Cayman en personne. Donc, je pense que c'est Cayman tout seul, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, ils vont jouer à l'Escalier, qui est au 252 rue Sainte-Catherine, vendredi le 21 juillet à 22h. Donc, ne manquez pas ça, ça va vraiment être bon. Hein? Une soirée 100% ska avec le Stomp All Star. Oh yeah! Et puis, c'est le 21 juillet, c'est-à-dire la journée juste avant Cockney Rejack. Bon, donc pour le bloc qui s'en vient, on va écouter The One Night Band avec Wait a Minute, The Kingpins avec The Ten Commandments of Ska, The Planet Smashers avec So Happy, et puis une nouveauté du Stomp Record, Danny Rebel and the KGB, et la chanson Isn't No Fool, qui est extrait de son plus nouvel album. Sur ce, allez, c'est le temps de rocker en ska avec The One Night Band. I wanna start it. something I need to keep on going. It's something to hang on to. One more time I say, it's someone to be, it's something to feel, something I need right now. Wait a minute. Prince Buster, the Ten Commandments of Ska. The Ten Commandments, the Ten Commandments, the Ten Commandments, the Ten Commandments. These are the Ten Commandments of Ska. These are the Ten Commandments of Ska. stand no more. That firewood is burning out tonight. Their love was gone for a while. You say you changed, but you're still the same. A better man. Your love just wasn't strong. Left me with drunken nights alone. Yeah, you got me running in circles. Danny Rebel and the KGB avec la chanson Isn't No Fool, extraite de l'album Love House, qui est paru là, pas grand temps sur Stomp Record, c'est-à-dire quelques jours. Et au début du bloc, on avait eu tout d'abord The One Night Band avec Wait a Minute, The Kingpins avec The Ten Commandments of Ska, ainsi que The Planet Smasher avec So Happy. Pièce, hey, j'ai oublié de dire les noms des albums. Pour One Night Band, ça se retrouvait sur l'album Hit and Run. Pour The Kingpin, ça se retrouvait sur leur album Watch Your Back, qui a été leur premier album. Et puis après ça, Planet Smasher, c'était aussi un album, une chanson extraite de leur premier album, qui lui est éponyme. Bon. Maintenant, on continue avec une grosse nouveauté, les Ordures Ioniques Self-Titled, c'est-à-dire album éponyme. Et oui, après de nombreuses années, les Ordures Ioniques donnent leur propre nom à leur nouvel album, qui vient de sortir sur Musique Néfaste ainsi que Runs Record, car Runs Record vont imprimer les vinyles. C'est ce que les Ordures m'ont dit. Ouais. Et là, cet album-là contient 11 chansons, dure 33 minutes, hein, c'est-à-dire la durée de vie du Christ. Je sais pas, mais c'est vraiment 33 minutes juste, c'est spécial, ça serait une bonne question à leur poser, pourquoi que ça dure comme ça. C'est peut-être juste un drôle d'addon aussi. Et puis, il y a 11 pièces, si je l'avais pas dit. Hein? Bon. Et les pièces ne durent pas toutes 3 minutes juste, non. À part de ça, vraiment très bon album, très énergique, très engagé, très aussi, comment je pourrais dire, festif que les autres albums. Pourquoi? Parce que les Ordures aiment ça parler de bière, tout en étant aussi, je vous dirais moi, de bons défenseurs sociaux. Ouais, c'est ça. Donc, très bon album des Ordures Ioniques. Les chansons qu'on va écouter seront les trois suivantes, c'est-à-dire Enfant Roi, après ça, À une gorgée de Sauver le Monde, et puis La Valse de l'Ivresse. Et bien sûr, lors des prochaines émissions plutôt, ben, vous allez en avoir d'autres nouvelles chansons des Ordures Ioniques, parce que l'album, il est bon au complet. Sur ce, musique avec nos bonnes vieilles Ordures Ioniques et leur nouvel album. We'll be right back. alors c'était la valse de l'ivresse avec les ordures ioniques, pièce extraite de leur tout nouvel album, qui est un album éponyme, qui vient de paraître sur Musique Néfaste, ainsi que Runs Record. Et puis au début du bloc, on avait eu la chanson Enfant Roi, ainsi que À une gorgée de Sauver le Monde. Et comme je l'ai dit tantôt, lors des prochaines émissions de Skoyponka, eh bien, vous aurez d'autres chansons des ordures ioniques. En tout cas, j'espère que vous avez aimé les trois extraits que je vous ai fait jouer. Moi, je les aime bien gros. Puis, ça représente bien leur nouvel album, qui est vraiment très bon. Donc, félicitations les ordures, vous avez bien fait votre travail. Maintenant, on s'en va en musique avec un spécial sur Cockney Rejects. Et les trois chansons suivantes, c'est-à-dire I Love Being Me, Out of the Gutter, ainsi que leur bon vieux classique Oi Oi Oi. N'oubliez pas que Cockney Rejects seront en spectacle avec The Prowlers, The Brass et puis Parasite à Montréal au Foufoun Électrique le 22 juillet. Ne manquez pas ça parce que ça sera tout un show. Et puis après ça, eh bien, il va y avoir l'After Show avec Up City Stompers et King Can au Catacombe. Donc, après Cockney, c'est l'After Show de Cockney, puis c'est au Catacombe et ça va rocker. Puis c'est juste 8$ en pré-vente, 10$ à la porte. Je vous conseille la pré-vente parce que si ça fait comme un Cox par heure, ben, il n'y aura plus de place à l'entrée. Sur ce, allons-y en musique avec Cockney Rejects et les 300 chansons que je viens de vous nommer, c'est-à-dire I Love Being Me, Out of the Gutter, ainsi que Oi Oi Oi. Tout ça à Skoyponka. No. the geezer with a one-track mind. I'm in the kind of zone at this age, so they're on. I speak as I find. To say what I wanna say, be what I wanna be, I give it to you straight. I do what I wanna do, know where I'm going to. I'm not gonna wait. Now here's the phrases, stars on faces. What you get is what you see. Cause I love, I love, I love being me. Can walk the walk, talk the talk, I guess it's plain to see. That I love, I love, I love being me. I haven't taken any notice of how I might appear. I am very dubious, it's very clear and obvious, I'm so sincere. Teach what I have taught, sniff what I wanna stalk, do jazz as I please. Think what I wanna think, drink what I wanna drink, I'm not here to appease. No hairs and faces, scars on faces, what you get is what you see. Cause I love, I love, I love being me. Can walk the walk, talk the talk, I guess it's plain to see. That I love, I love, I love being me. If I come across a little bit leery, it's part of my personality. It's my very own identity. Cause I love, I love, I love being me. Let this age to their own, I speak as I find. Say what I wanna say, be what I wanna be, I give it to you straight. Do what I wanna do, know where I'm going to, I'm not gonna wait. No hairs and faces, scars on faces, what you get is what you see. Cause I love, I love, I love being me. Can walk the walk, talk the talk, I guess it's plain to see. That I love, I love, I love being me. No hairs and faces, scars or faces, what you get is what you see. Cause I love. Oh, shit! d'abord, c'était Cockney Rejects avec Oi Oi Oi, et au début du bloc, on avait eu... Ben oui, c'est sûr, Cockney Reject, c'était un bloc qui portait ce Cockney Reject là, mais en tout cas, c'était la chanson Out of the Gutter. Et puis après ça, on avait eu I Love Being Me. C'était l'ordre normal. Ouais, tantôt, je l'avais mal annoncé finalement. En tout cas, pas grave, détail. Là, on continue en musique, ou plutôt, on se laisse en musique, parce que, comme que j'ai reçu le nouvel album des ordures ioniques aujourd'hui, ça m'a fait, modifier mon émission, puis ça, j'ai rajouté des affaires, mais en tout cas, donc là, on se laisse avec un gros bloc de 6 tunes, qui sera composé de Quartier Libre avec l'Arbinage, pièce qui est extrait de l'album Un Peu Juste, paru sur Runs Record il y a pas trop longtemps. Et puis après ça, eh bien, on va avoir les 22 longs riffs avec Resist. Les 22 longs riffs, cette chanson-là, vous pouvez la retrouver sur leur album À bout portant, qui est sorti en 2010. Mais pour les 22 longs riffs, ils seront en spectacle cette année au Revolution Fest à Montréal au mois d'octobre. Donc, c'est à ne pas manquer. Après ça, le prochain groupe qui va jouer après eux autres, ça sera les Salles Majesté avec Faisons du bruit, pièce qui est extrait de leur album qui s'appelle Sexe, fric et politique. Notez que les Salles Majesté seront en spectacle à Montréal avec les Ordures Ioniques et puis Uncivilized vendredi le 14 juillet au Foufoun, 15$. Salles Majesté, Ordures Ioniques, Uncivilized, ça va rocker, ne manquez pas ça. Après eux autres, on va avoir Punch K.O. avec la chanson De sang, qui est extrait de leur plus récent album qui s'appelle Demain le chaos, qui vient de sortir sur Runs Record. Et puis après ça, Rancid avec I Got Them Blues Again, extrait de leur plus récent album qui s'appelle Troublemaker, qui vient de sortir. Et n'oubliez pas que Rancid seront en spectacle à Montréal avec Dropkick Murphys, X, The Vandal, The Bouncing Soul, Madball, Creepshow, Genetic Control, Barrasso et bien sûr The Kingpins qui vont faire un show retour, ne manquez pas ça. C'est juste pour les Kingpins, j'espère qu'il n'y aura personne qui va être encore dans le parking, parce que pour les Kingpins, je vais tout voir skanker devant les Kingpins. C'est vraiment hot qu'ils fassent un autre show retour là. Trop bon sur les Kingpins, yes. Puis, c'est sûr. Et finalement, on se laisse aujourd'hui avec Social Distortion et la pièce Still Alive, qui est parue sur l'album Hard Time and Nursery Rhyme. Sur ce, bye bye, et à la semaine prochaine, ou une autre, en tout cas, à une prochaine émission de Skypunka, parce que l'été, c'est ça, hein, c'est les vacances, mais Skypunka, elle est au moins aux 2 semaines, car c'est pas à toutes les semaines. Ouais. Salut. Bye. De trahison, faut-il la fermer au nom de la raison? L'intelligence n'est pas donnée à tout le monde, je n'ai rien à regretter car j'étais à fond. Une fois ce qu'elle le sait, puis j'en tirerai. Savoir craquer l'illusion à tout déchirer. Être sensé n'empêche pas d'être humilié. Je n'oublie pas, tout finit par se payer. L'orbinage, je ne sais plus si tu m'as vu. L'orbinage, n'en parlons plus, n'en parlons plus. L'orbinage, je ne sais plus si tu m'as plu. L'orbinage, n'en parlons plus. À quoi vous parlez, vous j'ai chaté. Tout ça pour être escroqué, oublié, volé. De là pour nous, enfin, qu'est-ce que ça peut faire? On n'oublie pas qu'on vient tous de la même terre. De Strasbourg à Marseille jusqu'à Ripon. Je n'ai voulu, je n'identifierai pas. Je ne veux surtout pas être utilisé, car dans ma vie je suis civilisé. L'orbinage, je ne sais plus si tu m'as plu. L'orbinage, n'en parlons plus, n'en parlons plus. L'orbinage,

sessions. No notification or obsession. So meet me by the weeping willow tree. Cause there's no one coming home for me. Cause there's no one coming home for me. Cause there's no one coming home for me. Change my friend, I'll be here to the bitter end. With a guitar in my hand, I stand a little taller. And I've been to hell and back, I ain't falling off this track. From the back to the front page, from the gutter to the stage. And I'm still alive, and I will survive. I can take what life's got to give, just a little time. And I'm still alive, talking that same old job. I can handle what comes my way, just give me another day. Change my friend, I'll be here to the bitter end. I'm here to make my stand with a guitar in my hand. I'm still alive and I will survive. I can take what life's got to give, just a little time. I'm still alive, talking that same old jive. I can handle what goes my way. Another day, another day. Let the party go on and now. Let the party go on now.